إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On va donc terminer ce soir, inshallah ta'ala, la lecture de cette épître bénéfique sur la croyance de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Le sixième point que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a mentionné est « Wa kanu yanhawna anil bida ma lam yakun alayhi al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu » Et il, c'est-à-dire les savants qu'il a rencontrés et de qui il a pris la science parmi les imams de la sunna en différentes contrées, interdisaient les innovations. Et ils interdisaient les innovations qui sont ce sur quoi n'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Donc cette question et ce point, il fait partie des points essentiels de la croyance des gens de la sunna et du groupe, comme vous le voyez, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, de par son importance, il l'a mentionné ici. Et il concerne la mise en garde contre les innovations, al-bida. Et ceci désigne les innovations en religion. Les innovations en religion. Quant aux choses qui sont ordinaires, les choses qui font partie des affaires mondaines, alors celles-ci, elles ne sont pas appelées innovations en religion. Et elles ne font pas partie de ceux contre quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde, même si elles sont appelées innovations en termes linguistiquement. C'est-à-dire, par exemple, les choses nouvelles. Parmi les appareils, les différents appareils qu'on utilise aujourd'hui, les voitures, les moyens de transport, etc., qui n'étaient pas présents au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ces choses-là sont des innovations, ce sont des choses nouvelles. Mais ce ne sont pas des choses nouvelles en religion. L'interdiction qui est visée ici, ce sont les choses nouvelles en religion. Celles par lesquelles on cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-bid'a, l'innovation, shar'an hiya, at-ta'abbudu lillah bima lam yashra'ahu Allah. Ou, kama dhakara l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, at-ta'abbudu lillah bima lam yakun alayhi al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu. Donc, l'innovation, elle désigne le fait de chercher à se rapprocher d'Allah par une chose qu'Allah n'a pas légiférée. Le fait de se rapprocher d'Allah, de chercher à se rapprocher d'Allah par une chose qu'Allah n'a pas légiférée. Ou alors, comme l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a dit ici, le fait de chercher à se rapprocher d'Allah par une chose sur laquelle n'était pas ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Est-ce qu'il y a une contradiction entre ces deux définitions? C'est la même chose. Naam. Car ce qu'Allah a ordonné, c'est ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Donc le sens de ces deux définitions est le même. Et ces définitions, elles sont tirées des textes du Coran et de la Sunna, comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Shura au verset 21 lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Aurait-il des associés, c'est-à-dire des associés à Allah, qui auraient établi pour eux des règles religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Donc ce verset, c'est une preuve claire et explicite de l'interdiction des innovations. Celui qui innove en religion, tu lui demandes, est-ce que quelqu'un d'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a légiféré des choses en religion? Si ceci n'est pas présent dans ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a ordonné, et dans ce que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné, donc, d'où tires-tu cette chose par laquelle tu cherches à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et parmi les preuves de la sunna sur l'interdiction des innovations, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafahi al-rashidin al-mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa addu alayha bin nawajiz wa iyaakum wa muhdathati al-umur » فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ. Accrochez-vous à ma sunnah et à la sunnah des califes bien guidés après moi, Cramponnez-vous-y, mordez-y avec vos molaires. Et ceci est une image pour désigner le fait de s'accrocher fermement à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et celle des califes bien guidés après lui. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et prenez garde aux choses nouvelles, c'est-à-dire les choses nouvelles en religion, car toute innovation est égarement. Ainsi, si une personne, elle cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, par une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiférée, ou par une chose sur laquelle ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, n'étaient, ils ne l'accomplissaient pas. Alors celui-ci, il est tombé dans l'innovation. Il est tombé dans l'innovation. Que cette chose concerne la aqidah, la croyance, ou alors qu'elle concerne les œuvres, comme la prière, le jeûne, ou alors qu'elle concerne les comportements ou autres, quelle que soit la chose qui est innovée, qui fait partie des choses nouvelles, qui n'a pas été ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, n'ont pas fait, n'ont pas ordonné, alors ceci fait partie des innovations en religion. Et celui qui fait cela, qui cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par une œuvre qui n'est pas légiférée, son œuvre, elle est rejetée. Pourquoi elle est rejetée? Car il fait partie des conditions de l'acceptation des œuvres, deux choses. L'ikhlas ou le mutaba'a. La sincérité envers Allah, le fait de vouer ton œuvre exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et celui-ci, il n'a pas rempli la deuxième condition. Même s'il est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, aussi sincère soit-il, s'il accomplit une œuvre qui n'est pas légiférée dans la religion qu'Allah n'a pas ordonnée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonnée, que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum n'ont pas pratiqué, alors celui-ci, son œuvre, elle est rejetée. Même s'il l'avoue exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, ceci ne lui sera rien profitable. Au contraire, cette œuvre, elle sera pour lui source de regret, car il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala en cherchant à se rapprocher par une œuvre qu'il n'a pas légiférée. On rapporte à ce sujet de Saïd ibn al-Musayyab, rahimahullah ta'ala, qu'un jour il vit un homme, après la prière du Fajr, multiplier les unités de prière. Et comme vous le savez, après la prière du Fajr, jusqu'au Shuruq, et un petit peu de temps après, on n'a plus le droit de prier, sauf pour celui qui souhaite rattraper les deux unités surérogatoires du Fajr. Donc lui, il multipliait les prières. Alors Saïd ibn al-Musayyab l'a réprimandé. Cet homme, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me châtier pour la prière? Il est en train de prier, il cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait une œuvre qui, à la base, est légiférée, qui est la prière. Mais il l'a fait à un moment où il n'est pas légiféré de prier. Alors, Saïd ibn al-Musayyab, rahimahullah ta'ala, il lui a répondu d'une réponse très pertinente. Et il lui a dit, là, walakin yu'adhibuka ala mukhalafatika li sunnah. Non, mais il va te châtier pour ton opposition à la sunnah. À la sunnah du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il faisait une œuvre qui en apparence est une bonne œuvre. Mais celle-ci, à partir du moment où elle n'est pas conforme à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une cause de quoi? De châtiment. Elle est rejetée, et en plus de ça, il risque le châtiment à cause de cette œuvre. La preuve que cette œuvre est rejetée, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Aisha, radiyallahu ta'ala, anha, qui a dit, « Sami'tu Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, a yaqul, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fa huwa radd. » Aisha, elle dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, quiconque instaure dans notre ordre, c'est-à-dire dans notre religion, une chose qui n'en fait pas partie, alors celle-ci est rejetée. Et dans une autre version rapportée par l'imam Muslim, rahimahullah, elle a dit, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors elle est rejetée. Quelle est la différence entre ces deux versions du hadith? Qu'est-ce qu'on profite à travers ces deux narrations? Naam? Naam. Ahsant, barakallahu fik. Dans le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit man ahdatha fi amrina, celui qui instaure dans notre religion une chose qui n'en fait pas partie, elle est rejetée. Donc lui, il a instauré la chose, et ceci est blâmable. Dans le deuxième hadith, il nous informe que même si ce n'est pas lui qui l'a instauré, mais qu'il suit quelqu'un d'autre, il œuvre par cette chose qu'on lui a enseignée. Il a étudié auprès d'un enseignant qui fait partie des gens de l'innovation et qui lui a appris des choses qui ne sont pas légiférées. Se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par ces choses. Il essaye de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par ces choses. Son œuvre, elle est rejetée. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Donc, la deuxième version du hadith, elle est plus générale que la première. Et ceci nous indique une règle importante et fondamentale parmi les règles de la religion. C'est que les adorations, elles sont tawqifiyya. On a vu le mot tawqifiyya dans le cours de samedi matin. Ceux qui étaient présents, qui nous rappellent ce que veut dire tawqifiyya. Naam. Zid. Naam, ma fi ijtihad. Fa kayfa tathbut. Kayfa na'arifha. نعم نعم هذا صحيح لكن ما معنى توقيفية نعم on s'arrête au texte نعم توقيفية ça veut dire on s'arrête نقف على النصوص نقف على النصوص العبادات لا تثبت إلا بنص إما النص من كتاب الله ونص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أو unanimité. Donc توقيفية ça veut dire que l'on s'arrête au texte du Coran et de la Sunna. L'adoration, elle ne peut être confirmée que dans un texte du Coran, un texte de la Sunna, ou l'unanimité des gens de science. Et en d'autres termes, les savants mentionnent cela en disant « Al-aslu fil ibadat al-man' illa binas » La base dans les adorations, c'est l'interdiction, sauf s'il y a un texte. Contrairement aux affaires mondaines, lorsque tu t'interroges par exemple sur la licité ou non d'une nourriture, quelle est la base? La base, c'est la licité. Naam. La base, c'est la licité. Sauf s'il y a un texte qui est venu interdire cet aliment. Naam. Pour les ibadat, c'est l'inverse. La base, c'est l'interdiction. Tu n'as pas le droit de faire une œuvre, sauf s'il y a une preuve, un texte, confirmant que cette œuvre est légiférée. Donc, il n'est pas permis de chercher à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est par une chose qui est prouvée par les textes du Coran et de la Sunna, ou l'unanimité des prédécesseurs de la communauté concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela. Wa yurwa an amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu annahu qala law kana ad-din bir-ra'y la kana batin al-khuf awla bil-mas'h min a'la. Le prince des croyants Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, il a dit si la religion elle se basait sur les avis personnels, tes propres opinions, alors le dessous du chausson aurait été préférable à essuyer que le dessus. Lorsque tu fais tes ablutions, que tu fais le masque, qu'est-ce que tu fais? Tu effleures le dessus de tes chaussons. Ali, il nous dit, si la religion, elle se basait sur nos opinions, on aurait trouvé plus logique d'essuyer le dessous. Pourquoi? Parce qu'on marche, c'est en dessous qu'on marche sur la terre. Mais écoutez ce qu'il a dit après. Et ceci, ça nous montre le comportement que l'on doit avoir vis-à-vis des textes du Coran et de la Sunna. Il dit, وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire l'effleurement sur le dessus de ses chaussons. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il s'arrête à ce qui est mentionné dans la sunnah. Et cela nous montre, comme l'a rappelé le frère tout à l'heure, c'est que la raison, elle n'a pas sa place dans l'établissement de règles dans la législation. Tu n'établis pas une règle dans la religion de par ta raison. Mais les règles, elles sont établies par les textes du Coran et de la Sunna. Ensuite, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a ici argumenté en mentionnant deux preuves du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous dire que les innovations sont interdites en religion. Il a dit, rahimahullah, « لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا » Et accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. « Hablullah » Le câble d'Allah, c'est sa religion. Accrochez-vous à la religion d'Allah. Et il a été dit également que le câble d'Allah, c'est le Coran. Il a été dit que c'est la sunnah. Et il n'y a pas de contradiction entre toutes ces paroles qui sont venues dans le tafsir de ce verset. Toutes elles se rejoignent sur quoi? Sur le fait de s'accrocher à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'accrocher au livre d'Allah, à la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des sahaba, selon la compréhension des compagnons. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne dans ce verset de nous accrocher à sa religion et il nous interdit de nous diviser. Et il n'y a pas de doute qu'on compte parmi les plus grandes causes de division au sein de la communauté de l'islam le fait d'instaurer des choses nouvelles en religion. Si nous revenions tous à ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que nous accrochions au texte du Coran, au texte de la Sunna. Il n'y aurait pas de division. Seulement les gens ont instauré des innovations. des choses qui n'étaient pas présentes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des choses qu'Allah n'a pas légiférées, que le prophète n'a pas ordonnées, que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum n'ont pas mis en pratique. Donc les gens se sont divisés. À cause de quoi? À cause de ces innovations. À chaque fois que quelqu'un venait instaurer une innovation, il trouvait des suiveurs et il partait avec un groupe de musulmans. Et ainsi de suite. Et ce jusqu'à nos jours. Et ce, jusqu'à nos jours, il y a encore des gens qui viennent, qui instaurent des nouvelles règles en religion, qui prennent avec eux des suiveurs et qui rajoutent de la division à la communauté. Et cette division, malgré ça, elle est inévitable. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a annoncé que cette communauté allait se diviser, comme il est venu dans le hadith, appelé hadith al-iftiraq, le hadith concernant la division de la communauté, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Iftaraqat il-yahoud ala 71 firqa » Les juifs se sont divisés en 71 groupes. « Watafarraqat il-nasara ala 72 firqa » Et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. « وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانٍ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ensuite « Et ma communauté va se diviser en 73 groupes, un au paradis et 72 en enfer. » Cela veut dire 72 qui sont sous la menace de l'enfer, car ils se sont divisés, ils ont innové en religion. Il a été dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont-ils? C'est-à-dire, qui sont-ils ceux qui iront au paradis? Quel est le groupe qui va être sauvé du feu de l'enfer? Qala sallallahu alayhi wa sallam, al-jama'a. Le groupe. Ceux qui sont restés sur ce quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai mentionné ce hadith, car il est venu également dans le tafsir du verset que l'on vient de citer, wa'tasimu bihablillahi jami'an, wa la tafarraqu. Que le câble d'Allah, c'est quoi? C'est le jama'a. Et ici, on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous indique que sa communauté, elle va se diviser. Et il y a un seul groupe qui va aller au paradis, c'est qui? Al-jama'a. Ceux qui sont restés sur ce quoi étaient le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ils ne se sont pas divisés. Ils n'ont pas instauré des nouvelles règles en religion. Ils n'ont pas suivi les passions diverses qui s'opposent à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ordre de l'union en religion et de ne pas se diviser, cela fait partie des fondements immenses de notre religion, mes frères. L'union, comme l'a rappelé notre frère Abdul Karim, hafidahullah, dans le sermon du vendredi, c'est une chose fondamentale de notre religion, de nous unir sur la vérité, sur la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, une fois que tu as compris que cette union, c'est un fondement parmi les fondements de gens de la sunna, tu comprendras alors que quiconque s'oppose à l'union des musulmans et cherche à les diviser, alors il s'oppose à quoi? À un fondement des gens de la sunna. Il s'oppose à un fondement des gens de la sunna. Car il y a des gens qui ne comprennent pas lorsqu'ils voient une personne appelée à la division, causer la division des musulmans, mettre en garde contre les gens de science, les étudiants en science sans aucune preuve, et diviser les gens qui se fanatisent pour lui et d'autres qui le délaissent et suivent la vérité. Certaines personnes s'étonnent et se disent « Mais pourquoi ?» Les savants mettront garde contre lui. Certes, il a fait une erreur, il s'est trompé, mais pourquoi mettre en garde contre lui? Il s'est opposé à un fondement essentiel de notre religion qui est al-ijtima. Il refuse l'union. Il refuse l'union des musulmans. Celui-ci, c'est un opposant dans cette œuvre aux gens de la sunna. Et ceci est important à comprendre. Shir al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet « Kullu ma awjaba fitnatan wa furqatan » فَلَيْسَ مِنَ الدِّينِ سَوَا أَكَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا. Tout ce qui provoque une discorde ou une division, alors ceci ne fait en rien partie de la religion d'Allah, que ce soit une parole ou un acte. Cela ne fait pas partie de la religion d'Allah. Cela s'oppose au texte du Coran et de la Sunna, appelant à l'union et à ne pas se diviser. Et il fait partie des caractéristiques les plus évidentes du groupe sauvé, ce groupe sauvé du feu qui est mentionné dans le hadith, qu'il s'accroche à ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième verset que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a mentionné, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « Wa in tuti'uhu tahtadu » Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. C'est-à-dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que vous serez bien guidés vers le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a aucun moyen et aucune possibilité pour être guidé, si ce n'est l'obéissance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui qui n'obéit pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui suit une voie qui s'oppose à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en instaurant des choses qui sont nouvelles en religion. Alors celui-ci, il n'est pas sur le droit chemin, il ne faut aucun doute en cela. Et certes, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit une très belle parole à ce sujet lorsqu'il a dit ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalala. Il a dit radiyallahu ta'ala anhu ittabi'u, suivez, c'est-à-dire suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivez les compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa la tabtadi'u, et n'instaurez pas de choses nouvelles en religion. Faqad kufitum, vous avez été comblés, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer à inventer des choses. Tout vous a été clarifié. Le droit chemin, il vous a été clarifié dans le Coran, il vous a été clarifié dans la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit taraktukum ala al-mahajjati al-bayda, laylaha kanahariha, la yaziru anha illa halik. Je vous ai laissé sur une voie blanche, claire, de jour comme de nuit. Nul ne s'égare de celle-ci, si ce n'est une personne qui court à sa perte. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tout clarifié en religion. Rien n'est compliqué, notre religion elle est claire, on a été comblé. Ensuite, Ibn Mas'ud, il dit wa kullu bid'atin dalala, toute innovation est égarement. Ensuite, dans le point suivant, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a dit wa yahuthuna ala ma kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa adba'uhu. Et ils encouragent, c'est-à-dire les imams des salafs que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a rencontré et de qui il a pris la science, et ils encouragent à suivre ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses suiveurs, et à leur tête les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Donc on voit que ce fondement-là, c'est l'opposé du fondement que l'on vient de voir. Le fondement précédent, c'était l'interdiction des innovations, et ici c'est l'encouragement à s'accrocher à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie de ses compagnons. Et on a vu certaines preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet. Donc l'homme, il doit faire des efforts pour s'accrocher fermement à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui notre modèle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre. Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit dans son noble livre لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Vous avez certes en le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Pour qui? Pour ceux qui espèrent en Allah et au jour dernier. Les savants, rahimahumullah, ils se sont servis de ce verset comme preuve démontrant que la base concernant les œuvres, les actes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que ce sont des choses sur lesquelles on doit le suivre. Tant qu'il n'y a pas une preuve qui vient démontrer que c'est une chose spécifique à lui. La base dans les œuvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on doit le suivre dans cela. La preuve c'est quoi? C'est ce verset, comme les savants l'ont mentionné. Et les modèles que les gens prennent, ils sont de deux sortes. Il y a des bons modèles, des bons exemples, et il y a des mauvais modèles, des mauvais exemples. Le bon modèle, il se trouve dans qui? Dans le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme on vient de voir dans le verset. Donc celui qui prend pour modèle le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors celui-ci, il a emprunté le chemin qui mène à quoi? Qui mène à Allah, subhanahu wa ta'ala, et au paradis. Et celui-ci, il se trouve sur le droit chemin. Quant à celui qui prend un mauvais modèle, alors celui-ci, il a emprunté une autre voie. Et qui sont les mauvais modèles? C'est toute personne qui est suivie dans une chose qui s'oppose à ce qu'a légiféré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu suis une personne dans une chose qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas légiféré, alors sache que cette personne est un mauvais modèle. C'est un exemple à ne pas suivre. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit au sujet des mécréants, lorsque les messagers, alayhimus salatu wassalam, les ont invités à les suivre. Qu'est-ce qu'ils leur ont répondu? Inna wajadna aba'ana ala umma. Nous avons trouvé nos ancêtres sur, le mot umma ici il veut dire milla, sur une religion. Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion. Wa inna ala atharihim muhtadun. Et nous nous guidons sur leurs traces. C'est-à-dire sur leurs traces qui s'opposent à la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le musulman, il doit regarder qui il prend pour modèle. Est-ce que la personne que tu as pris pour modèle, elle suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que ses actes sont conformes au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ou alors, est-ce que ses actes et ses agissements s'opposent aux ordres d'Allah et aux ordres de son messager sallallahu alayhi wa sallam? Et ça, c'est une chose très importante. Car il y a des personnes, par exemple, ils vont étudier la science pendant plusieurs années avec une personne affiliée à la science. Et ce cheikh va devenir quoi? Leur modèle. Ils vont commencer à le suivre dans tout ce qu'il fait. Ils vont commencer à le suivre dans tout ce qu'il fait. Tant que ce qu'il fait est conforme à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah. Il n'y a pas de mal, au contraire. Lorsque tu vois quelqu'un, un frère, assidu à la prière à la mosquée, qui fait beaucoup d'aumônes, qui jeûne, et que tu le prends pour modèle dans cela, c'est une bonne chose. Pourquoi? Car la base du modèle est qui? C'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il fait une chose qui s'oppose à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il transgresse les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, s'il fait un grand péché, et que tu le prends pour modèle dans ce grand péché, est-ce que tu penses que tu seras excusé auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu penses que celui-ci est un bon modèle ou un mauvais modèle? Tu ne dois pas le suivre dans cela. Tu ne dois pas le suivre dans cela. Aussi longtemps soient les années que tu as étudié la science auprès de lui, aussi grande soit sa science, aussi éminent soit-il, s'il transgresse les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne le suis pas dans cela. Délaisse cela. Préviens les musulmans contre le mal de cette action. Mais ne le suis pas car il ne te sera d'aucun argument auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet de ceux qui n'ont pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, lorsqu'ils regretteront leur délaissement de l'obéissance à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Ô Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du chemin. C'est donc eux qui nous ont égarés du chemin. C'est l'excuse qu'ils vont mentionner au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons suivi nos chefs et nos grands. Est-ce que cette excuse leur sera profitable? Non. Le droit chemin, il leur a été clarifié. La voie droite, elle est claire, comme on l'a dit. C'est eux qui ont choisi d'emprunter un autre chemin. Le fait de suivre nos grands, nos chefs, dans l'égarement, cela n'est pas utile auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du chemin. Ensuite, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a mentionné comme preuve de ce fondement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Wa anna hadha sirati mustaqiman, fattabi'uhu wa la tattabi'u subul, fatafarraqa bikum an sabili, dhalikum wassakum bihi, la'allakum tattaqoun. » Et voilà mon chemin dans toute sa droiture. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous a enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. Lorsqu'il dit « Et voilà mon chemin dans toute sa droiture. » C'est-à-dire, voilà le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Le chemin qui mène au paradis. Suivez-le donc, afin d'obtenir le succès, afin d'obtenir la réussite dans l'au-delà. « Wa la tattabi'u subul » Et ne suivez pas les sentiers, qui sont les voies qui s'opposent à la voie droite. Les voies qui s'opposent à la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Fatafarraqa bikum an sabili » Elles vous écarteront du sentier. C'est-à-dire qu'elles vous égareront, elles vous le diviseront. Et si vous vous écartez, vous égarez du droit chemin, alors sachez qu'il n'y a pas d'autre chemin, si ce n'est les chemins vers le feu de l'enfer. Celui qui prend un chemin autre que le chemin droit, il faut savoir qu'il est forcément sur un chemin parmi les chemins du feu de l'enfer. À partir du moment où tu t'opposes au texte du Coran et de la Sunna, ton œuvre, ton agissement, le chemin que tu empruntes, c'est un chemin qui mène en enfer. Wal'iyadu billah. Ensuite, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a mentionné le huitième fondement qu'il a évoqué dans ce livre, et il a dit « Wa alla yunazi' al-amr ahlahu » et le fait de ne pas disputer le pouvoir à ceux qui le détiennent. C'est-à-dire de ne pas sortir contre les gouverneurs des musulmans. Il n'est pas permis pour les musulmans de se révolter contre les gouverneurs musulmans, même s'ils font des péchés, même si ce gouverneur est un pervers. Même si ce gouverneur fait des péchés publiquement, aussi mauvais soit-il tant qu'il est musulman, il n'est pas permis de se révolter contre lui. Et sachez, mes frères, que la révolte contre ceux qui détiennent le commandement, elle est de deux sortes. Il y a la révolte avec les actes, en les combattant, en faisant des manifestations, ou autre chose parmi les formes de révolte, mais il y a également la révolte par la langue. Comme le font les imams de l'égarement à notre époque, qui appellent les musulmans dans différents pays à se révolter contre leur gouverneur, à sortir contre leur gouverneur, sous prétexte d'interdire la corruption comme ils le prétendent. Mais ce qu'ils font est une des plus grandes formes de corruption. Et ce qui se produit à notre époque dans différents pays musulmans, est une des plus grandes preuves concrètes de la justesse de ce à quoi nous a appelé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de patienter sur les injustices des gouverneurs. Même s'il est injuste, ne te révolte pas contre lui, ni par tes actes, ni par ta parole. Ensuite, il a mentionné un hadith en preuve de cela. Il a dit, li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, thalathun la yaghillu alayhinna qalbu mri'in muslim, ikhlasu al-amali lillah wa ta'atu wulati al-amr wa luzum jama'atihim, fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim. Il a dit, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a trois choses pour lesquelles le musulman ne doit avoir dans son cœur aucune amertume. La première, ikhlasu al-amali lillah, le fait de vouer tes œuvres exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. De ne pas faire de polythéisme. Que tu voues l'ensemble de tes œuvres entièrement à Allah. Et celui qui fait cela, il n'y a pas de doute que cela va retirer l'amertume qu'il peut y avoir dans son cœur. Ensuite, il a dit wa ta'atu ulati al-amr, et l'obéissance aux détenteurs du commandement. Ceux qui se révoltent contre les détenteurs du commandement, c'est à cause de quoi? C'est à cause de cette rancune, de cette amertume qui se trouve dans leur cœur. Mais s'ils se soumettaient et purifiaient leur cœur de ces amertumes, et se soumettaient au texte du Coran et de la Sunna, leur cœur aurait été guéri de cette maladie. Ensuite, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, waluzum jama'atihim, et le fait de s'accrocher à leur groupe. C'est-à-dire de rester avec le groupe des musulmans, ne pas se séparer d'eux. Comme on l'a dit, le fait de se séparer du groupe de musulmans, cela peut être par quoi? Par le fait de suivre les innovations en religion. C'est une forme de sortie du groupe des musulmans, mais également le fait de sortir contre les gouverneurs est une cause de division entre les musulmans et qui fait sortir la personne de leur groupe. Il dit ثم أكد في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi vous. Obéissez à Allah, ça c'est bon, on a tous compris. Obéissez aux messagers, sallallahu alayhi wa sallam, on a compris également. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ensuite, et aux détenteurs du commandement parmi vous. L'obéissance aux détenteurs du commandement parmi les musulmans, c'est également un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah. Quiconque m'obéit a certes obéi à Allah, et quiconque me désobéit a certes désobéi à Allah. وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي. Et quiconque obéit au gouverneur, il m'a certes obéi. Et quiconque désobéit au gouverneur, il m'a certes désobéi. Donc le fait de désobéir au gouverneur des musulmans dans le bien, dans les choses qu'ils ordonnent, qui ne sont pas des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une forme de désobéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les détenteurs du commandement ici dans ce verset, cela désigne deux catégories de personnes. Les gouverneurs, comme on a dit, mais également les ulama, les savants. Les savants, ils font partie des détenteurs du commandement. En effet, ce sont eux qui commandent la communauté. Les savants, ils orientent la communauté en leur clarifiant la charia. Ils leur expliquent les règles de la législation. Et les gouverneurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils appliquent ces règles de la charia sur les gens. Les savants, ils instruisent. Ils enseignent, ils démontrent, et les gouverneurs, ils viennent et ils mettent en pratique cela sur les gens. Al-Baghawi, rahimahullah ta'ala, a dit dans son tafsir de ce verset, « Irtalafu fi ulil amr » Ils ont divergé au sujet des détenteurs du commandement. Ensuite, il a mentionné une parole d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, et de Jabir, radiyallahu ta'ala anhum. Il dit, « Qal Ibn Abbas, wa Jabir, radiyallahu ta'ala anhum. » هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم. Donc Ibn Abbas et Jabir radiyallahu ta'ala anhum, ils ont dit, les détenteurs du commandement, ce sont les fuqaha, les ulama, les savants, les gens de science, ceux qui enseignent aux gens les prescriptions de leur religion. Donc on a ici la parole de deux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est également la parole, il dit al-Baghawi, d'al-Hassan, d'al-Dahhak et de Mujahid. Et sur quoi se sont-ils basés pour dire cela? Quelle est la preuve que les détenteurs du commandement sont également les savants? La preuve, elle est dans un autre verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, وَإِنْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Lorsque leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Mais s'ils l'avaient renvoyé aux messagers et aux détenteurs du commandement, cela aurait été meilleur et de meilleure interprétation. Qui sont les détenteurs du commandement ici? Lorsqu'on veut savoir le jugement d'une chose, de la diffusion au nom d'une information, vers qui on revient? Les savants, les gens de science. On ne vient pas vers le gouverneur. Lorsqu'on veut savoir le jugement d'une chose dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, revient vers les savants. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, par Ulil Amr, les détenteurs du commandement, et vise les savants. Cela nous prouve que dans l'autre verset également, entre qui? Entre les savants. Donc l'obéissance aux savants, elle fait partie de l'obéissance à Allah et à son messager. Comme le prouvent très clairement ces versets. Aujourd'hui viennent certains faibles d'esprit, affiliés à la science, ou d'autres parmi leurs suiveurs, et qui viennent nous dire, dans l'islam, il n'y a pas de clergé. Il n'y a pas de pape, il n'y a pas de je ne sais pas quoi comme dans la religion bouddhiste. On n'a pas à obéir aux savants. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers, aux détenteurs du commandement parmi vous. Et lui, il vient, il te dit dans l'islam, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de pape, etc. Il compare les savants au pape. Wal'iyadu billah. Et cela s'affilie à la science et s'affilie même au suivi de la sunna du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et un autre, qui lorsqu'il y est enjoint des conseils basés sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que des grands savants de la communauté l'enjoignent à s'unir sur la vérité avec ses frères, à ne pas diviser les musulmans, à mettre fin aux divergences, qu'est-ce qu'il dit? Lasna abidan li Ubayd. Nous ne sommes pas des serviteurs de Ubayd, en visant le noble cheikh Ubayd ibn Abdillah al-Jabiri. Fois que vous savez que l'obéissance aux savants, cela fait partie des choses qu'Allah nous a ordonnées. Que pensez-vous de cette parole? Est-ce que c'est une parole qui peut être dite par une personne qui s'affilie à la science, qui s'affilie au prêche, ou qu'on qualifie même de plus grand savant de son pays, de la moitié de la terre, ou je ne sais quoi? Ceci est une parole très grave. Le shaykh Ubayd ibn Abdillah al-Jabiri hafidhahullah ta'ala, il lui a conseillé que des choses basées sur le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne lui a pas ordonné un péché. L'obéissance aux savants et l'obéissance au gouverneur, elle est dans le convenable. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Innama ta'a fil ma'aruf. » L'obéissance est dans le convenable. « Wa la ta'ata li makhluq fil ma'asiyati al khaliq. » Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur. Mais tant que cette chose qui est ordonnée est convenable et ne s'oppose pas au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ni à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors il est obligatoire pour nous de nous soumettre et d'obéir. Et ceci fait partie de l'obéissance à Allah et de l'obéissance à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit « Wa an la yara as-sayf ala ummati Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam. » Et, c'est-à-dire qu'ils étaient tous unis, ces savants qu'il a rencontrés, sur le fait de ne pas lever l'épée sur la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux, comme le font les Khawarij, par exemple, qui ont rendu licite le sang des musulmans et qui sont la cause de nombre de massacres à travers les pays musulmans. Et également le groupe des Rawafid, qui sont des Khawarij sur ce point, qui rendent licite le sang des musulmans et lèvent l'épée sur la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith authentique, « Lorsque deux musulmans se rencontrent avec leur épée, Al-Qatil ou Al-Maqtoul Finnar. Le tueur et celui qui est tué sont tous les deux en enfer. Les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, ils ont dit, ô messager d'Allah, nous comprenons que le tueur soit en enfer, car il a fait un grave péché. Il a tué un musulman dont le sang est sacré. Famabal ou Al-Maqtoul. Mais qu'en est-il de celui qui a été tué? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Kana harisan ala qatlihi. Il désirait le tuer. C'est-à-dire qu'il est mort avec l'intention de tuer l'autre. Mais il n'a pas pu atteindre, c'est l'autre qui l'a tué en premier. Donc, il est en enfer aussi. C'est-à-dire, il est sous la menace du feu de l'enfer, comme on l'a mentionné, dans le passage sur le statut de l'auteur des grands péchés. Donc, ceci fait partie des plus graves péchés. De tuer un musulman, de lever l'épée sur un musulman, et pire encore, ce hadith, il ne concerne que deux musulmans. Pire encore, ceux qui sont la cause de massacres et de guerres entre les gens de l'islam. والله المستعان. Ensuite, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a conclu cette épître en disant « وَقَالَ الْفُضَيْلِ لَوْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ لَمْ أَجْعَلْهَا إِلَّا فِي إِمَامٍ » Al-Fudayl, qui est Al-Fudayl ibn Iyad, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit « Si j'avais une invocation exaucée, une seule, il savait qu'il y avait une seule invocation qu'il pouvait faire et qu'il était sûr qu'elle soit exaucée. Il a dit « Je ne l'aurais faite que pour l'imam, c'est-à-dire le gouverneur. » Car si l'imam est vertueux, alors seront en sécurité les pays et les serviteurs. Allahu Akbar. Regardez la compréhension des pieux prédécesseurs. Aujourd'hui, les gens, ils voient un gouverneur qui est corrompu, un gouverneur qui a fait certains péchés. Ils vont s'empresser de le diffuser. Ils vont sur Facebook, sur Twitter. Regardez, le gouverneur de tel pays a fait ceci et cela. Regardez, dans tel pays, ils ont autorisé tel péché. Regardez, regardez, regardez, ainsi de suite. Quel est l'intérêt de faire cela? Est-ce que celui qui fait cela, il veut le bien pour la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il ne fait qu'attiser la haine dans le cœur des musulmans contre qui? Contre les gouverneurs des musulmans. Regardez Al-Fudayl, rahimahullah. Si j'avais une invocation exaucée, je l'aurais mise pour qui? Pour le gouverneur. Si le gouverneur est vertueux, les pays et les serviteurs seront en sécurité. Ibn al-Mubarak, il a mentionné la parole d'Ibn al-Mubarak ensuite. Il a dit « قال ibn al-Mubarak, ya mu'allim al-khayr, man yajtarihu ala hada ghayrak. » Ô enseignant du bien, qui peut oser faire cela autre que toi? C'est Abdullah ibn al-Mubarak, un des imams parmi les salafs, il dit al-Fudayl, lorsqu'il l'écoute dire cette parole, qui peut oser, qui a le courage de dire une chose comme ça autre que toi? Qui aujourd'hui, si on lui dit « tu as une invocation, si tu l'as fait, elle est exaucée tout de suite comme tu l'as fait ?» Comme tu l'as dit, qui va invoquer pour les gouverneurs des musulmans? Chacun va penser à nafsi nafsi, sa personne. Il va invoquer pour un bien qui restreint sa propre personne. Alors que les salafs, ils avaient une vision plus lointaine. Ils pensaient au bien de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que se termine cette courte épître de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Donc comme vous avez vu, c'est une épître très concise qui contient certains points importants de la croyance des gens de la sunna et du groupe. Elle ne comprend pas l'ensemble des points de la croyance, mais ces points sont des points fondamentaux et essentiels sur lesquels beaucoup de musulmans se sont trompés de voie à notre époque. C'est pour cela qu'il est important de comprendre ces points et également de les mettre en pratique et de les propager parmi les gens. Avant de terminer, je tiens à louer Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis la tenue de ce séminaire dans cette mosquée. Et ceci fait partie des grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi mes frères, il faut être conscient que le fait de pouvoir se réunir pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, parler de son messager sallallahu alayhi wa sallam, est un grand bienfait qui nous a été accordé et qui n'a pas été accordé à nombre de serviteurs. Combien sont ceux qui sont dans l'insouciance? Combien sont ceux qui sont loin de ces assises? Combien sont ceux qui étaient dans ces assises, connaissent ce bien, mais en sont privés? Pourquoi? À cause de guerres dans leur pays, à cause de troubles ou autres, ils ont été privés de ce bien. Donc mes frères, il faut être conscient de ce bienfait et être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. « In shakartum la azidannakum » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai de mon bienfait. »« Wala in kafartum inna adhabi la shadid » Et si vous êtes ingrat, que vous n'êtes pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah il dit « Mon châtiment est très dur. » Et fait partie de ce châtiment le fait qu'il te prive de ce bienfait. Donc il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et fait partie de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala le fait de remercier nos frères responsables de cette mosquée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pour tous les efforts qu'ils font pour la tenue de ces séminaires, l'organisation de ces assises de science, l'entretien de cette mosquée. Allahumma barik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense grandement. Et ne les oubliez pas, Wallahi, dans vos invocations également, ne les oubliez pas et entraidez-vous avec eux autant que vous pouvez, avec vos personnes et avec vos biens. Enfin, je remercie mon frère Abdel Karim, Hafidahullah Ta'ala, imam de cette mosquée, qui m'a invité pour participer avec lui à ce séminaire. Et je le remercie également pour les efforts qu'il fait dans cette mosquée, dans la propagation de la science authentique, la science du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc, soyez assidus, mes frères, à ces assises, profitez du bien qui est propagé dans cette mosquée, Ne négligez pas cela. Wallah, il y a un grand bien en cela, et celui qui le délaisse le regrettera le jour où il le perdra. Donc profitez. Vous ne savez pas jusqu'à quand ce bienfait va durer. Donc profitez-en pendant que vous le pouvez. Bi-idhnillahi ta'ala. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتقبل منا أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا